les choses autrement, faire ce qu'on a envie, aller au gré du vent, de sa folie, et profiter de tout ce qui vient en passant, pour leur mordre la vie à pleines dents. Sans refaire le monde, on voulait juste un peu sortir de la ronde avant qu'on soit trop vieux. On voulait tout essayer, gravir tous les remparts, le tout pour le tout avant qu'il soit trop tard. Nanana. Apprécier le soleil qui chauffe mon corps lorsqu'à mon réveil près de moi tu dors. Ne plus penser à rien et puis fermer les yeux, inspirer le parfum, la main dans tes cheveux. Et si froid de l'hiver voulait transformer notre amour en pierre, notre cœur en acier, on se protégera de tous les mauvais vents, on se barricadera contre l'usure du temps. Nanana, nanana. Les erreurs du passé, on les oubliera. Les erreurs de jeunesse, on les pardonnera. Cicatrices au plus profond de soi seront balayées comme ça par le vent. Voir les choses autrement, faire ce qu'on a envie, aller au gré du vent, au bout de sa folie, et profiter de tout ce qui vient en passant, pour leur mordre la vie à pleines dents.